Bonsoir, Elsa Dorlan, o Elsa Dorlan, autrice di Difendere, che è uscito per Fandango. Abbiamo già presentato Difendersi, che è uscito per Fandango, presentato già a Tabula Rasa intorno a metà aprile. Torniamo a parlare di alcuni argomenti affrontati da questo libro, visto che era un libro che parla di della filosofia della violenza attraverso i movimenti antagonisti. Allora, prima di tutto, nel tuo libro, nel tuo saggio, parli della violenza come necessità vitale e prassi di resistenza, che dunque non è un mezzo in vista di un fine, bensì politicizza i corpi senza mediazione, senza delega, senza rappresentazione. Oui, en fait, l'idée c'était de vraiment faire une philosophie de la violence qui ne reprenne pas une question classique de la légitimité ou de l'illégitimité de la violence, mais de définir l'autodéfense comme un usage, une conversion de la violence qui nous traverse en violence vitale, c'est-à-dire en ressource vitale. Et c'est une forme effectivement de politisation des corps, c'est-à-dire de non pas seulement de retourner la violence qui nous est faite, mais plus exactement de prendre acte que certains corps sont constamment réduits à l'impuissance du fait de la violence qu'ils subissent, et que précisément cette violence-là qui est là, qui travaille les corps, les esprits, en fait, c'est aussi la dernière richesse qui va réanimer le corps permettre des soulèvements politiques. Donc c'est vraiment ces points de basculement politique qui m'ont intéressé. Allora, l'idea era veramente quella di fare una filosofia della violenza senza riprendere la questione classica della legittimità o dell'illegittimità della violenza, ma partire piuttosto dalla conversione della violenza che ci attraversa, dalla sua trasformazione in una risorsa vitale e quindi farne una forma di politicizzazione dei corpi. A partire dal fatto che alcuni corpi sono ridotti all'impotenza, volevo evidenziare come la violenza che li attraversa è l'ultima ricchezza che permetterà di portare a un sollevamento. E in più, c'est pas ce que j'ai voulu cibler, c'est précisément lorsque dans les rapports de pouvoir une violence est faite à certains corps, à certains individus, à certains groupes sociaux, il n'est pas question d'aller demander par exemple à un tiers de la protection ou une loi, etc. Mais quand je parle d'une force sans représentation, c'est-à-dire que c'est vraiment une forme d'autodétermination des sujets eux-mêmes pour se défendre. Donc il n'y a pas de délégation d'une puissance de toute façon qui est anéantie, mais au contraire le travail en fait de ce devenir politique des corps. Quindi quello che ho voluto, quello che ho cercato di evidenziare, quindi quello che ho voluto evidenziare è il rapporto di politicizzazione che la violenza, quando viene esercitata una violenza contro dei corpi, degli individui o dei gruppi sociali, quello che avviene quando c'è una trasformazione della violenza non è il rivolgersi a un terzo in cerca di una protezione, ma è un'autodeterminazione dei soggetti stessi che avviene senza nessun tipo di delega. E attraverso questo lavorio assistiamo al diventare politico dei corpi. Sempre nel tuo saggio, tu alla fine ripercorri attraverso la storia dell'autodifesa dei gruppi subalterni, ripercorri anche la storia degli stati coloniali e ultraliberisti. Oui, parce que de toute façon il y a une co-formation des états modernes qui sont en fait dont on peut faire la généalogie à partir de évidemment leur histoire impériale, en l'occurrence esclavagiste, et de l'articulation entre la mise en place des systèmes esclavagistes modernes, des systèmes de la traite transatlantique et l'émergence du capitalisme. Et cette, voilà, ce contexte dans lequel moi je suis allée faire une généalogie justement des dispositifs de pouvoir qui naissent dans les territoires coloniaux, parce que il y a cette hypothèse qui est la mienne, mais qui a été travaillée par tout un courant finalement de réflexion dans lequel je m'inscris, et qui considère que pour une part les territoires coloniaux sont des espaces d'expérimentation de dispositifs de pouvoir qui ont été généralisés ensuite dans les métropoles et même qui constituent notre contemporain. Donc il n'y a pas d'histoire de l'État sans histoire de la colonisation. Il n'y a pas d'histoire métropolitaine de l'État, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens pour la France, mais ça n'a pas de sens pour l'Italie, ça n'a pas de sens pour l'Angleterre. Sì, perché credo che ci sia una specie di coformazione degli stati moderni di cui si può fare la genealogia proprio partendo dalla loro storia imperiale e quindi dalla loro storia schiavista e da lì dall'emergere del capitalismo. In questo contesto fare la genealogia della nascita di questi dispositivi di potere in questi spazi coloniali è un'ipotesi che non è solo mia, perché viene ripresa da diverse pensatrici, e proprio il fatto che negli spazi coloniali questi dispositivi vengono sperimentati per poi essere importati negli spazi continentali, e credo quindi che non ci possa essere una storia dello Stato moderno senza una storia coloniale. Si parla della violenza della polizia come se la polizia non fosse un corpo, nel senso letterale e anche figurato della parola stessa, un corpo dello Stato. Non a tutti è chiaro che il paradosso nell'idea non violenta è che per difendersi dallo Stato bisogna rivolgersi allo Stato stesso. Questa narrazione di eccezionalità ha un peso sulla percezione e l'uso della violenza come autodifesa? Ma ça c'est aussi une perspective, je pense, on a besoin de, en tout cas dans la philosophie politique contemporaine et dans la réflexion critique, il y a toute une réflexion qui reprend en fait une forme de généalogie de la pensée anarchiste et qui s'inscrit dans l'anarchisme contemporain, avec plusieurs de ces articulations, mais qui, sur la question de la police en particulier, par exemple, la revendication, il y a deux choses, je pourrais être claire. Enfin, tu peux couper, ça, c'est pas très intéressant. La première chose, c'est que l'histoire du XXe siècle, en termes de mobilisation sociale, de mouvement social, il est dit, ça ne veut pas dire que c'est vrai, il est dit que c'est une forme d'euphémisation du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que la police, dans son histoire de l'usage de la violence, tout au long du XXe siècle, c'est un long processus d'euphémisation des moyens utilisés pour maintenir l'ordre. Donc ça, c'est une hypothèse qui est très forte et qui participe d'une pensée libérale qui, et au fond, promeut l'idée que les démocraties libérales sont des démocraties qui permettent de réguler en fait la violence sociale, la violence policière. Mais ça peut dire, ouais. Abbiamo bisogno nella filosofia politica contemporanea di riprendere, cioè c'è una riflessione che riprende una genealogia del pensiero anarchico e vi si iscrive. Però credo che ci siano due punti importanti. Il primo è che nella storia del Novecento, nella storia in termini di movimenti sociali, viene detto, ma non è detto che sia vero, però viene detto che c'è una forma di eufemizzazione della violenza, dei mezzi per mantenere l'ordine, e questa è una visione ovviamente neoliberista. E ça c'est très intéressant, l'exemple mais qu'on peut prendre c'est que dans les manifestations ouvrières, les manifestations sociales, les mouvements sociaux, toute la première moitié du XXe siècle, en tout cas, les services d'ordre dans les manifestations, c'est pour protéger les manifestants, grévistes, ouvriers, militants, pour les protéger de la police. Et à partir des années 70, 80, 80, 80, 90, 2000, on observe que, au contraire, le service d'ordre est là pour faire en sorte que dans la manifestation, il n'y ait pas de débordement, pour ne pas que la police soit légitime à intervenir violemment sur le mouvement. Et ça, au fond, c'est une forme d'intériorisation de ce paradoxe, effectivement, qu'à la fois, on conteste une violence sociale, structurelle, des rapports de pouvoir structurels, qui, dans une certaine mesure, sont de toute façon organisés par les États dans lesquels qui gèrent la société, et qu'en même temps, c'est la demande qu'on a d'une amélioration de cette situation se fait à l'adresse de l'État. Donc c'est exactement comme en manifestation, on demande gentiment à la police, enfin on intériorise cette question, et il faut bien se tenir en manifestation pour ne pas se faire taper par la police. E l'esempio che possiamo fare è che, per esempio, nei movimenti sociali operai della prima metà del Novecento, i servizi d'ordine servivano a proteggere i manifestanti dalla polizia. E poi invece assistiamo a un ribaltamento di questa situazione a partire dagli anni 70, quando i servizi d'ordine servono invece a evitare gli incidenti per far sì che la polizia non possa essere legittimata ad intervenire in qualche modo. Quindi questo è il segno di un'interiorizzazione di questo paradosso, cioè i manifestanti chiedono gentilmente alla polizia di non eccedere nell'uso della violenza. E per ma generazione, per me, le renversement et le moment fondateur, enfin pas fondateur, mais qui est à mon avis crucial, c'est Gênes et la mort précisément d'un manifestant par la police. Et dans l'organisation de la manifestation de Gênes et du mouvement internationaliste, altermondialiste à Gênes, avec tous les groupes politiques qui étaient en présence, c'est à mon sens qui fait le basculement sur toute une face une génération aujourd'hui de politisation des antagonismes sociaux sur le fait que en fait la police est une est le bras armé du dispositif en fait qui maintient ces violences sociales sexistes, racistes, économiques. Mais Gênes, à mon sens, est une forme de point. E per la mia generazione, per me, il momento cruciale di questa presa di coscienza è stato Genova e l'omicidio di Carlo Giuliani. È lì che è accaduto quel ribaltamento per un'intera generazione, ovvero quello di vedere la polizia come braccio armato di un dispositivo che mantiene la violenza sociale, razzista, sessista e politica. Però proprio da Genova nel 2001, che la dicotomia all'interno dei movimenti, atteso poi a spaccare i movimenti, la dicotomia era quella proprio quella tra violenza e non violenza. E aggiungo, leggevo oggi un articolo sul Manifesto che parlava dei gilets jaunes, che fine avessero fatto i gilets jaunes, e tra le critiche mosse da alcuni simpatizzanti intervistati in quell'articolo era proprio la violenza di piazza esercitata da, come al solito, poi si usa il solito linguaggio, no? Black bloc, PSR e via dicendo. Però appunto anche lì veniva esercitata come, per alcuni, il fatto che ci fosse la violenza di piazza ha finito per allontanare le persone. Una roba che mi convince poco, come al solito, però questa dicotomia proprio da Genova in poi ha spaccato i movimenti tra violenza e non violenza. C'era una parte dei movimenti che trovava qualsiasi forma di violenza di piazza assolutamente inaccettabile, anche solo semplicemente come di autodifesa. Allora, moi, ça me fait halluciner, mais vraiment halluciner. C'est... En fait, c'est pour moi, c'est vraiment le symptôme d'une intériorisation complète d'une rhétorique libérale, mais je veux dire qu'il est plus qu'une rhétorique libérale, qui est vraiment un discours idéologique, le développement d'une idéologie qui est en place vraiment depuis, enfin qui a été mise en place par Margaret Thatcher et le thatcherisme sur la question de la violence et la captation à un moment donné de quel sens donner à la violence et l'invisibilité, l'invisibilisation totale de la violence économique, capitaliste, donc sociale, légale, juridique, policière, commerciale, etc., environnementale, qui est organisée, ou en tout cas soutenue par les démocraties libérales, et au contraire, le fait d'accuser de violence, enfin de ne montrer comme violent que les mouvements insurrectionnels, que les individus qui se lèvent, qui disent non, que les personnes, les groupes, les minorités qui refusent en fait de vivre dans la vie qu'on nous propose. Et quand j'entends dire les gilets jaunes, il y a eu une scission, ou même quand j'entends à propos de Gênes, il y a une scission, en fait la question de la destruction des biens, fait partie du répertoire d'action historique. Oui, la destruction des biens, la destruction des banques, oui, effectivement, la destruction de McDonald's en France, par exemple, destruction des grandes boutiques des quartiers parisiens, et même, je vais même jusqu'à dire, des statues en plâtre de la République, hein, que ce soit en France ou ailleurs, c'est de la destruction des biens. Voilà. Par contre, en revanche, détruire des vies, couper des mains, percer des yeux, tuer des personnes parce qu'ils sont juste allés manifester, ou même, là je parle de la police française, mais c'est la police européenne, aller enlever des couvertures de survie à des migrants qui sont là à Paris et qui meurent de froid, lacérer les tentes dans lesquelles les migrants sont, etc. Ça, par contre, ça ne va pas être qualifié de violence. Donc on voit bien qu'il y a un double standard et que là on est dans une pleine production idéologique, et la production idéologique au sens vraiment théorique du terme, c'est-à-dire on fixe le sens d'un mot. Et la violence aujourd'hui, ça ne peut être que les individus, c'est-à-dire c'est que des phénomènes incompréhensibles, apolitiques, et en aucune façon c'est la violence structurelle du capitalisme, du sexisme, du racisme. Et ça, à un moment donné, il faut acter que ceux et celles qui se font le relais de ça, ils doivent signer jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même une forme de complicité théorique avec un système. La violence, par exemple, c'est les féminines. Pardon. Allora, per me è semplicemente allucinante, è il sintomo dell'interiorizzazione totale di una retorica liberista che risale a Thatcher e al suo governo e a una visione della violenza che si impone a partire da quel periodo, in cui avviene un'invisibilizzazione totale della violenza capitalista, quindi della violenza economica, ambientale, poliziesca, sociale, eccetera. Questa violenza che viene organizzata e sostenuta dagli stati. Invece quello che accade è che vengono additate come violente solo le minoranze che rifiutano di stare a quello che gli viene imposto e quindi che si alzano, che protestano. Io vorrei ribadire il fatto che la distruzione dei beni, delle banche, dei McDonald's come avviene in Francia, ma anche dei negozi costosi o delle statue di gesso della Repubblica, sono distruzione di beni, e ribadisco di beni. Invece tagliare mani, bucare occhi, uccidere persone perché sono andate a manifestare, oppure strappare le tende dei migranti che dormono per strada, togliergli le coperte termiche, questa non viene considerata come violenza. Quindi qui assistiamo chiaramente a due pesi e due misure. Quello che viene qualificato di violento oggi riguarda solo azioni attuate dagli individui e mai la violenza strutturale del capitalismo, del sessismo o del razzismo. Chi adotta questo tipo di visione per me si, cioè, questa è complicità teorica con il sistema dello Stato. C'est la voix du maître. Quindi cioè, vuol dire assumere la voce del padrone. Il tempo rimane poco, però a me mi ha incuriosito molto anche il passaggio che fai della tentazione dell'autodifesa come principio politico tout court. E da lì parte anche una critica, anche molto divertente, perché poi questo saggio ha un'impostazione femminista e post-coloniale, e mi ha divertito, sono molto intelligente, la critica, la deriva virilista tramite armi e divise delle Black Panther stesse. Ad oggi il movimento del Black Lives Matter anche esso viene criticato, soprattutto perché in piazza spesso e volentieri si va a scontrare o comunque esercita anche il diritto alla violenza dell'autodifesa, visto che i corpi degli afroamericani, come hai scritto tu, per decenni dai bianchi sono stati visti come semplicemente quel corpo come qualcosa di aggressivo e pericoloso. Merci. Sur. Alors, là aussi, c'est. Là, c'est là où on voit l'articulation. Pour le coup, c'est pas seulement une posture théorique à la mode, l'articulation sexisme-racisme. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que. Mais ça fonctionne aux États-Unis, encore une fois, ça fonctionne aussi en Europe. Mais pour que les Africains-Américains, les hommes Africains-Américains, aient eu, depuis l'esclavage et la ségrégation, ont été constitués par l'État américain et par la société blanche comme des hommes menaçants et agressif, et donc des hommes tuables, des vies tuables. Et ça n'a été possible que parce que on a construit idéologiquement, par une littérature vraiment conséquente, l'idée que, et par des faits d'accusations mensongères pendant la ségrégation, l'idée que l'homme noir est un prédateur sexuel pour la femme blanche. Mais on voit bien le symbole que c'est-à-dire c'est une forme de prédation, de menace pour la nation blanche. Mais la question de l'hypersexualisation des hommes noirs en fait à la fois des individus dont on hypertrophie la force pour en faire des menaces, ce qui justifie le fait de les abattre, d'avoir la légitimité de les abattre. Et cette construction, elle est vraiment axée sur l'hypersexualité et la violence. Ce qui fait que maintenant, dans une certaine mesure, c'est comme, si vous voulez, quand vous voyez, du rose, vous pensez à petite fille, d'accord, ou bleu, petit garçon, ce qui est là aussi une construction sociale. Quand vous pensez, justement, quand vous voyez, en tant que blanc, un individu noir dans la rue, il y a une construction, une production idéologique qui est liée à la menace. Or, par exemple sur le Black Panther Party, il faut savoir que la plupart des militants du Black Panther Party, qui est considéré comme l'ennemi numéro un aux États-Unis il va avoir un programme spécial du FBI, le Pantel Pro, qui est mis en place sous Nixon pour éradiquer le Black Panther Party, la plupart des militants sont accusés en fait d'agression sexuelle sur des blanches. Et c'est une façon en fait de les mettre à terre. Mais vous comprenez bien que ça a aussi un effet domino dans une certaine mesure. Parce que non seulement vous cassez un mouvement, mais en plus vous créez une situation d'antagonisme absolu. C'est-à-dire que vous empêchez toute coalition possible entre les mouvements de lutte contre le racisme et les mouvements féministes. Et ça, c'est quand même la situation dans laquelle on est. Et ça s'appelle l'intersectionnalité, au fond. Allora, è proprio qui che si vede l'articolazione tra sessismo e razzismo. Non è solo una moda, è qualcosa che funziona negli Stati Uniti, ma funziona anche in Europa. Se gli uomini afroamericani sono stati costituiti sia dallo Stato che dalla società bianca come ammazzabile, è perché è stata costruita ideologicamente l'idea che l'uomo nero, gli uomini neri, siano dei predatori per le donne bianche. E attraverso questa ipersessualizzazione degli uomini neri si arriva, diciamo, alla possibilità di ucciderle, e questa, cioè, appunto, questa ipersessualizzazione è una costruzione che si basa sulla violenza e giustifica l'omicidio. È una costruzione sociale, diciamo, che risale alla segregazione e che è paragonabile ad altre costruzioni sociali, come quella che fa sì che associamo il rosa alle femmine e il blu ai maschi. Per quanto riguarda il Black Panther Party, bisogna sapere che la maggior parte dei militanti sono stati accusati di aggressioni sessuali sulle bianche, su donne bianche, e questo ha avuto ovviamente l'effetto di rompere questo movimento, ma anche a catena di impedire qualunque coalizione tra i movimenti antirazzisti e i movimenti femministi. E questa è la situazione nella quale ci troviamo oggi, e si chiama intersessualità. Intersezionalità.